ce chemin. Ma petite valise à la main. J'ai manqué de points de repère. Ce qui m'a fait mener ma vie à l'envers et cacher sous sa voûte. À 16 heures, mon ange m'écoute. Quand quelques routes m'ont détourné, attiré par des foudres déchaînées, j'ai sorti de ma valise les doutes, les cons. Je ne serai plus cette tour de piste pour de bon. J'ai brisé parfois mon destin en essayant de suivre en vain des routes qui n'étaient pas pour moi et m'ont causé bien des effrois. J'ai sorti de ma valise les doutes, les cons. Je ne serai plus cette tour de piste. J'ai sorti de ma valise les doutes, les cons. Je ne serai plus cette tour de piste. J'ai atteint ma valise remplie que de bien. Je goûte et respire tous ces sons qui me bercent de leurs purs rayons. J'ai sorti de ma valise les doutes, les cons. Je ne serai plus cette tour de piste. J'ai sorti de ma valise les doutes, les cons. Je ne serai plus cette tour de piste.